la la la la la. Si tu t'appelles tête de gland, suis de très près le conseil qui suit. Cache-toi bien au fond de ton lit. La la la la la la la la. Youpi youpi youpi yeah. Youpi youpi tête de gland. Youpi youpi youpi yeah. Youpi youpi tête de gland. Youpi youpi youpi yeah. Youpi youpi tête de gland. Youpi youpi youpi yeah. Youpi youpi tête de gland. T'es un con, t'as une tête de gland. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tu le resteras toute ta vie. Tant pis. Et si t'as pas de bonne tête de gland, oh, oh, oh, oh, oh, oh, c'est pas pour ça que tu m'attendris. Oh non, youpi youpi youpi yeah. Youpi youpi tête de gland. Youpi youpi youpi yeah. Youpi youpi tête de gland. Youpi youpi youpi yeah. Youpi youpi tête de gland. Youpi youpi youpi yeah. Youpi youpi tête de gland. Oh, oh, oh, oh, oh, c'est pas pour ça que tu m'attendris. Oh non, you-